Mosaïque. Bonjour auditrices et auditeurs de la radio Isanganiro, bienvenue dans l'émission Mosaïque. Pacifique Chubairo anime Mosaïque d'aujourd'hui et Jérôme Nyonzima assure la réalisation. Le 17 mai prochain est la date de la tenue du scrutin du référendum constitutionnel. Aujourd'hui, 27 partis politiques se sont fait inscrire à la Commission électorale nationale indépendante CENI pour battre campagne. Du côté de l'administration, le ministre de l'Intérieur, Pascal Balandaguié, a fait savoir dernièrement que les partis politiques seront libres de faire campagne pour ou contre le projet de loi de la nouvelle constitution. Ces assurances semblent ne pas parvenir à certains leaders et partis politiques de l'opposition. En tête, la coalition Amizero-ya Barundi, qui affirme que leurs militants sont souvent malmenés, taxés d'enseigner le non contre le référendum prochain. À l'approche du 1er mai, date de l'ouverture de la campagne, quel est l'état d'esprit des politiciens? Que dire de préparatifs de la campagne? Les acteurs et partis politiques sont-ils confiants du contexte politique pour espérer une campagne électorale pacifique? En cas de crainte, que faire pour que les politiciens fassent une campagne référendaire avec assurance et dans le calme? Pour discuter dans Mosaïque d'aujourd'hui, nous avons quatre invités dans ce studio. Nous accueillons Terence Nairaja, assistant du ministre de l'Intérieur et formation patriotique et porte-parole du ministère. Bonjour et bienvenue dans l'émission Mosaïque. Bonjour monsieur le journaliste, bonjour aux chers invités, bonjour chers auditeurs. Nous accueillons également le député Pierre-Célestin Dikoumana qui représente dans cette émission la coalition Amizero-ya Barundi. Bonjour et bienvenue dans l'émission Mosaïque. Merci et bonjour à tous nos auditeurs. Nous accueillons Léon Singenda Kumana, vice-président du parti Sawanya Frodebu. Bonjour et bienvenue dans l'émission Mosaïque. Bonjour et merci de m'avoir invité. Nous accueillons également dans ce studio Olivier Mounouziza, secrétaire général et porte-parole du parti Iprona. Bonjour et bienvenue dans l'émission Mosaïque. Bonjour et merci de l'invitation, monsieur Pacifique. Aimé Toussaint Mitebouti assure la mise en onde. Pacifique Chouaïro au micro. Je vous souhaite encore une fois la bienvenue dans l'émission Mosaïque. Terence Nairaja, au niveau du ministère de l'Intérieur, comment vous appréciez l'état des préparatifs du processus référendaire à l'approche de la campagne pour ce scrutin? Merci beaucoup, monsieur le journal, de poser la question. Effectivement, vous nous demandez comment apprécier le processus référendaire en cours, n'est-ce pas? Et j'aimerais vous dire que le déroulement de ce processus se fasse dans les conditions normales et les étapes déjà franchies sont satisfaisantes. Ici, je peux m'expliquer parce que il y a d'abord le gouvernement burundais qui a déjà disponibilisé le budget irrelatif. C'est le budget du gouvernement bien entendu. Le référendum du 17 mai 2017, c'est un pas très important. Il y a deuxièmement, il y a les principales étapes qui sont déjà franchies et qui sont remarquables. Ici, on peut citer l'enrôlement qui s'est déroulé dans tout le pays et on a eu des résultats très remarquables avec plus de 5 millions de Burundais qui se sont fait inscrire. Et ça, c'est déjà une étape très importante de ce processus et où on a d'ailleurs un taux, si vous voulez, de plus de 100%, parce que vous savez qu'il y avait aussi les moins de 18 ans notamment. Mais vous parlez déjà du budget. Aujourd'hui, on peut savoir quelle est la somme allouée à tout le processus référendaire. Il sera pour le référendum, c'est bien défini à la CENI. Malheureusement, il n'y a pas de défini à la CENI, mais c'est bien défini et ça sera tranché, c'est la République du gouvernement. Ce n'est pas les contributions qu'on est en train de faire aujourd'hui. Ce qu'on ressemble aujourd'hui, les contributions, c'est pour les élections de 2020. Donc, c'est différent. Et puis, deuxièmement, il y a déjà beaucoup de formations politiques et indépendantes qui sont déjà fait inscrits à la CENI pour participer justement à ce référendum. Ici, je fais citer déjà 26 partis politiques. Ça, c'est très important. Je peux citer également deux indépendants Il y a également le croisio des indépendants à Miseria Barundi qui s'est déjà fait inscrire à la CENI. Vous voyez que c'est vraiment en taux d'inscription à la CENI pour participer à la campagne du 1er au 14 mai 2017 pour le référendum. C'est déjà une des étapes la plus importante et qui est encourageante et qui est quand même satisfaisante. Je peux citer également ici la majorité de la population a déjà voté qui a participé à la vérification de leur nom au niveau des bureaux d'inscription afin de pouvoir faciliter les corrections éventuelles avant d'offrir, bien entendu, l'impression des cartes électorales. Ça, c'est très important. C'est une étape aussi du processus qui est très remarquable. Ici, il y a également la CENI qui est à l'œuvre pour rassembler, si vous voulez, tous les éléments nécessaires de la logistique, notamment les isoloirs, comme vous le savez. Il y a les fiches, il y a les cartes qui seront bientôt imprimées et beaucoup d'autres. Donc, en tout cas, les marchés ont été clôturés pour les sociétés qui ont gagné ces marchés. C'est très bien avancé et nous sommes en beauté et nous pensons que très prochainement, en tout cas, le kit électoral sera bien déterminé. Il est en train d'être constitué progressivement sur les provinces chaque fois que le matériel est disponible. Et on peut parler aussi de la paix et la sécurité et qui sont garanties dans le pays, à part quelques cas isolés, comme vous le savez. Les malfaiteurs ne manquent pas ici au Burundi, mais comme ailleurs. Et là, si d'autres cas se produisent, il faut que justement la loi soit respectée. C'est tout à fait normal. Il y a également le cadre légal. Par rapport à l'assurance et au contexte, est-ce que le contexte actuel rassure tout le monde? En tout cas, ça rassure tout le monde. C'est pourquoi, d'ailleurs, presque tous les partis politiques se sont déjà fait inscrire à la CENI. C'est qu'ils sont prêts à participer à la campagne pour le référendum. Nous avons 32 partis politiques agréés au Burundi. Maintenant, il y a déjà 26 qui se sont fait inscrire. Il y a deux indépendants. Il y a la Croisière Miséria Barundi. Pour nous, c'est un taux de participation très important parce que, comme vous savez, en démocratie, ce n'est pas tous les partis politique qui doit participer ou indépendant, c'est celui qui le veut en fait. Mais à remarquer vraiment, il s'agit de prendre l'occasion pour remercier l'honorable Léonce qui a aussi participé à l'inscription pour que ses idées, pour que ses attentes, pour aller appuyer la démocratie parce que c'est comme ça que tout ça se fait. Il y a aussi le parti Soja Flodebou et parmi les 26 partis qui sont déjà cités. Ça, c'est très important. Vous voyez quand même que c'est en tout cas des étapes importantes jusqu'à moi où je vous parle. Le processus avance dans les conditions normales et sans difficulté à part quelques cas isolés qui peuvent se signaler et sanctionner conformément à la loi. Au niveau de la coalition Amizero Yabarundi, Pierre Célestin Ndikumana, est-ce que vous êtes rassuré, vous êtes prêt à battre campagne? Bon, nous ne sommes pas rassurés du tout. Quand j'écoute Naira Aja qui dit que la participation suffit justement pour dire que le contexte est bien assaini, bon, je ne suis pas tout à fait d'accord. Mais je crois qu'il faut nuancer les choses. Au niveau logistique, au niveau de la CENI, le train marche normalement. Mais au niveau de l'assainissement du climat favorable au référendum, je dois vous dire ici, je dois vous avouer qu'il n'y a rien de positif à signaler. Cela parce que, bien évidemment, les gens sont malmenés. Est-ce que vous ne risquez pas d'être pessimiste? Non, pas trop pessimiste. Je calcule même, je pèse mes mots. Les signes annonciateurs ne sont pas rassurants. Les cas d'aujourd'hui, le cas d'aujourd'hui, ce que j'ai vécu aujourd'hui même est vraiment un signe révélateur. Hier, pour vous brosser un peu la situation en 30 secondes... Parlons de la journée de jeudi. Mais bien sûr. Hier, une personne a été attaquée dans le quartier Nganga, Kizingwe, de l'autre côté. Il a été attaqué par des gens bien identifiés, un certain Kennedy et un certain Claver, qui sont des Imbonerakure. Ils l'ont attaqué après 1h du matin. Et aujourd'hui, ce matin, quand il est allé demander pourquoi il a été attaqué par ces gens au chef de quartier pour que quand même la question soit réglée, il a reçu des coups. Et encore un renfort de 5 Imbonerakure se sont coalisés pour battre cette personne. Même d'autres personnes dévoilées. Deux sont déjà hospitalisés et un député de notre coalition s'est rendu sur le lieu. Justement, après avoir cherché l'administrateur, le chef de zone, il les a manqués. Après s'être rendu sur le lieu, il a été reçu par ses Imbonerakure. Il a essuyé des coups, des fouets. On a craché sur son visage. On a déchiré sa chemise. Est-ce que ça, on ne peut pas considérer un cas isolé qu'on ne peut pas lier au processus référendaire? On ne peut pas considérer ça comme un cas isolé parce que ce qui est à la source de ça, ce qui est à la base de ça, il y avait quelque quelques jours, c'était avant-hier, on disait, bon, il y avait des rumeurs d'attaque dans ces ménages, et malheureusement des rumeurs qui sont devenues réalité. Et ces gens, il y avait quelques semaines qu'ils étaient menacés, parce qu'on disait, on ne peut pas laisser ces gens libres, ils vont perturber certainement le référendum. Ils vont sensibiliser contre le projet de la Constitution. C'était ça. Et ce sont des menaces directes qui sont directement liées au processus. C'est la raison pour laquelle je ne peux pas parler de cas isolés. Et n'oubliez pas, à Kirundo, même dans d'autres provinces, des menaces, des gens qui sont emprisonnés parce qu'ils sont seulement soupçonnés de pouvoir voter contre la nouvelle Constitution. Avec seulement des soupçons. Mais ceux qui enseignent le oui, qui utilisent même des haut-parleurs, qui ont déjà commencé la campagne, ils ne s'inquiétaient pas. N'oubliez pas vous aussi... Vous voulez parler donc, des membres du gouvernement si vous parlez qui, de leur côté, si vous disent qu'ils ils expliquent le contenu. Mais expliquer et battre campagne, c'est vraiment différent. Expliquer, vous dites, bon, voilà, dans cette constitution, tel article a été changé pour telle motivation, pour arriver à ceci. On a changé ça en ceci pour cette raison. C'est ça l'explication. Mais il y a des intimidations, vous allez voter, il y a des intimidations ici et là, et vous allez voter. Ceux qui ne veulent pas voter pour le oui, il y a un gouverneur qui a proclamé haut et fort ça. Et si vous ne voulez pas voter pour le oui, quittez ma province. Et c'est une formule. Et certains ménages à Kirundo, vous avez appris ça, et je crois que c'est pas un secret. Le matin, ils se réveillent, trouvent des gens qui ont déjà écrit Mwabipinga, donc vous, les opposants, vous devrez voter pour le oui. Donc, c'est tout ça, vous ne pouvez pas considérer ça comme des cas isolés. Ce sont des éléments quand même, des signes annonciateurs d'une situation qui n'est pas rassurante. Mais quand même, au niveau de la CENI, on avance, mais au niveau de la situation sécuritaire, la tranquillité d'esprit, parce que pour entrer dans son contexte électoral, il faut quand même que les esprits soient tranquillisés. Il faut que les gens soient traités de la même façon. Honorable Léo Singonde Koumana, au niveau du parti Sahwanya Frodebo, est-ce que vous exprimez les mêmes craintes que celles soulevées par le représentant d'Amizere Barundi? Bien sûr que oui. Mais je pense que vous êtes allé trop loin en parlant de la campagne. Bon, je ne peux pas faire une appréciation d'une activité où le Frodebo n'est pas associé. Probablement que ça avance bien ou que ça n'avance pas. Le Frodebo n'a jamais été associé. Mais je vais apprendre quand même, il y a le représentant du ministre. Mais à quel niveau, à quel niveau voudrez-vous que vous soyez associé? Dès le début. D'abord, le débat sur l'opportunité. Il fallait d'abord un débat sur l'opportunité. Est-il opportun d'organiser un référendum aujourd'hui dans le contexte Au niveau du ministère de l'Intérieur, on risque de vous dire que vous ne voulez pas avancer et que vous voulez les faire avancer. Avancer vers où? Nous avons un accord d'Arusha. Nous avons une constitution. Nous avons des institutions élues. Vous ne le savez pas? Qui sont en fonction maintenant. Maintenant, un référendum constitutionnel pour aller où? Mais c'est au niveau du ministère pour répondre à quelle question. Si au niveau du ministère de l'Intérieur, on avance que c'est le reflet des doléances de la population. Qu'est-ce que vous dites à ce propos? Les doléances de la population sont en rapport avec la pauvreté, la misère, le chômage, la faim, la maladie. Voilà les doléances de la population. La sécurité, hein? Le respect des droits fondamentaux de la personne humaine et des libertés publiques. Est-ce que c'est ça l'objet de l'amendement de cette constitution, de ce référendum? C'est pourquoi je viens de vous dire que je vais réagir après avoir écouté le président du gouvernement. Quel est l'intérêt? C'est pour nous les hommes politiques ou pousser la population? Mais pourquoi vous êtes dirigé vers la CENI pour vous inscrire? On nous a donné l'ordre d'aller nous faire inscrire. On n'a pas de choix. Je pense que c'est votre volonté. On n'a pas de choix. Il y en a qui ont essayé, mais ils n'ont pas eu de problème. Dès lors que j'aurais appris les raisons, la motivation profonde pour amender cette condition par rapport aux intérêts du pays et aux intérêts de la population, je vais certainement entrer dans l'objet. Maintenant, j'écoute encore. Mais entre-temps, l'honorable Léon Singenda Koumana, le premier Messe à Nos, est-ce que vous allez vous présenter à l'intérieur du pays pour expliquer ou battre campagne? Je n'irai pas expliquer. Je vais demander à ce que... d'abord, pour moi, et pour mon parti, ce référendum n'a pas raison d'être. On va y aller pour dire non. Olivier Nkurunziza, au niveau du parti Iprona, au niveau du Frodebo, au niveau d'Amizere Barundi, trop de craintes pendant que le ministère de l'Intérieur assure. Quelle est la position du parti Iprona par rapport aux préparatifs de la campagne au référendaire? Au niveau du parti Iprona, on s'est exprimé depuis longtemps sur cette question. Le parti Iprona s'est déjà fait inscrire. Alors, au niveau du parti, Iprona, nous sommes prêts d'aller à la campagne à partir du 1er mai. Alors, au niveau des préparatifs, au niveau du parti, Iprona, nous sommes en train de sensibiliser d'abord nos membres pour qu'ils puissent être prêts d'aller d'abord retirer leur carte d'électeur. Parce que la carte que nous aurons dans cette période de scrutin référendaire aura aussi la possibilité même de l'utiliser en 2020. Le parti Iprona, alors, a déjà suivi très bien le processus jusqu'à aujourd'hui. Au niveau des préparatifs, au niveau du parti Iprona, on va convoquer le comité central qui se déroulera le 21 avril pour effectivement statuer et voir la position du parti Iprona pendant les élections référendaires, pour voir qu'on va voter pour ou contre. C'est, alors, les organes habilités seront convoqués ce 21 pour statuer. Vous voyez, alors que le parti Iprona continue effectivement à tout faire pour voir comment la constitution qui sera votée peut se faire d'une façon très impliquée, parce qu'on va impliquer tout le monde. Que dire des craintes de la coalition à Misero par rapport au contexte d'abord, politique? D'abord, c'est déplorable ce que je suis en train d'entendre. Combattre un honorable, c'est vraiment déplorable. Voir qu'il y a des jeunes, même on l'a dit dans la réunion des partis politiques la fois passée, qu'il faut qu'il y ait une situation calme au niveau du parti. Celui qui veut voter non, qu'il y aura l'espace libre d'aller enseigner non. Celui qui votera oui, d'avoir l'espace. C'est ça les recommandations essentielles qu'on a données au ministère de l'Intérieur, et je pense que l'assistant était ici, était là plutôt. Mmh. Et je pense qu'alors, effectivement, le parti Iprona ne peut pas dire que battre un honorable, c'est vraiment une chose à encourager. C'est de revoir comment, bien sûr, comment le gouvernement du Burundi, en partenariat avec les partis politiques, puisse travailler en synergie pour que ce processus référendaire se déroulera d'une façon calme. Alors, les craintes, effectivement, je pense, comme vous l'avez dit, c'est peut-être isolé, c'est pas généralisé. Au niveau du pays, on ne peut pas dire qu'il y a vraiment des coups partout par rapport à des élections qu'on a déjà, qui se sont déroulées ici au Burundi. On peut dire que vraiment ce n'est pas d'une façon tendue. Et bien sûr, il peut y avoir 16 cas. C'est la raison pour laquelle il faut s'asseoir chaque fois quand ce genre de problème se remarque quelque part. Il faut que l'administration, les partenaires politiques s'asseyent ensemble pour trouver une solution. D'une façon général, ce que je demande, il faut quand même prendre des mesures qui permettra aux Burundis et aux étrangers de constater que les Burundis sont en train d'entamer un chemin et d'avoir une maturité politique. Sinon, on ne peut pas battre déjà parce qu'il a dit qu'il va voter non. Je ne sais pas si au niveau d'Ami Zéro, on a déjà statué pour dire qu'ils voteront non. Je ne sais pas. Il aura l'occasion pour s'exprimer, mais je sollicite une petite réaction de la part du ministère de l'Intérieur. Ouais. Lorsque le député de la coalition Ami Zéro donne des cas dans différentes provinces, est-ce que vous continuez à dire que ce sont des cas isolés, qu'on n'est pas lié au contexte du processus référendaire? Bien entendu. Notre pays est composé de 18 provinces, 119 communes et environ 3 000 collines. Ce n'est pas vraiment tout le pays qui est au chaos. Si vous découvrez de l'espace politique et rien ne va, nous avons 32 partis politiques agréés et c'est un témoignage de combien de politiciens sur télé qui disent que vraiment, on ne fait pas descendre. Nous avons l'Iprona ici. Il y a d'autres partis qui font des congrès, vous avez entendu maintes fois des réunions. Je pense que ça se fait. Mais seulement, je déplore quand même. S'il y a un cas qui se produit, comme celui qui vient de citer, à mon avis, comme je l'ai toujours dit au micro ici, toute personne qui commet un forfait, qui veut bafouer les droits de l'autre, il doit être sanctionné conformément à la loi, quelle que soit la personne. Ça, c'est normal. Si réellement, ce que l'honorable Célesté nous a dit, et qu'il y a quelqu'un qui a tabassé un honorable député, à mon avis, je pense qu'au moment où on est en train de changer, de toutes les façons, les instances concernées sont en train de se saisir pour traiter le cas. C'est tout à fait normal. Et celui qui l'a fait doit être sanctionné exemplairement pour éviter que de tels cas puissent se reproduire encore une fois. Mais je dis que c'est un cas isolé parce que ce n'est pas généralisé. Si un tel cas arrive, c'est un incident, à mon avis, qui arrive. Mais un incident n'est pas à généraliser à tout le pays. Je vais le rassurer. De toutes les façons, là, on a 9% d'ailleurs. C'est la sécurité, c'est la paix. On ne peut pas dire que tout le pays c'est au chaos, qu'il n'y a pas d'espace. Si vraiment, pour un parti politique agréé, demande de faire une réunion, d'autres activités, en tout cas, les portes sont ouvertes. Quant à l'honorable Léonce, il a dit qu'il va s'exprimer quand je veux dire qu'il ne faut pas l'opportunité. Mais d'abord, je voudrais dire grand merci à l'honorable Léonce parce qu'il a toujours eu le courage de démontrer qu'il est démocrate, n'est-ce pas? Auparavant, il disait, voilà, on ne va pas... Même s'il n'est pas convaincu du processus... Ah, bien sûr, c'est ça la démocratie. Un démocrate, c'est le combat politique. Et il se décide et il va dans la compétition. Parce que, s'il vous plaît, la politique de la chaise vide n'est jamais bonne. C'est un conseil donné à tout politicien, y compris moi-même. Léonce avait dit que vraiment, il ne voit pas l'opportunité, mais il a eu le courage d'appeler ses militants pour qu'ils puissent s'en faire arroler. Et voter non. Il faut ajouter ça. Bien sûr, c'est la démocratie. C'est la démocratie. Il faut ajouter ça. Et d'abord, la première étape, il les a appelés à se faire arroler. C'est qu'il dit voilà, je vais faire un combat démocratique. C'est moi qui est démocrate. C'est pas du coup, il a la possibilité J'explique d'abord. Écoute, parce que celui qui m'a donné l'appel, il a dit voilà, je vais lui briefer. Deuxièmement, il est allé se faire inscrire à la CENI pour participer à la campagne. Ça, c'est très important. Quel que soit le oui ou le non, c'est la démocratie, moi, je vous le dis. Mais mon micro. C'est pourquoi je ne comprends pas une personne qui oblige quelqu'un d'aller voter oui ou non par force. Est-ce que comme le vote est secret, d'abord il y a l'isoloir qui est là, on entre dedans seul. Et je ne saurais pas ce qui est pacifique, vous allez voter. Ce qu'on a recevoir, c'est oui, il a dit que c'est non. Moi, c'est oui, je suis clair. Ah, okay. C'est ce que je voterai, d'accord. C'est un exemple. Alors, si vous obligez quelqu'un, voilà, j'écris sur ta porte, il doit dire, mais ça, c'est perdre le temps. Est-ce que le jour où vous dites vote, vous allez accompagner la personne dans l'isoloir? C'est interdit, d'accord. Et tu ne sauras pas ce qu'il a fait. C'est personnel. C'est pourquoi je donne des conseils à toutes les personnes qui tenteraient de menacer l'autre à l'obligeant, tu dois faire ceci ou cela, c'est se tromper fort. Voilà. Honorable Léonce a dit qu'il n'avait pas l'opportunité. Malheureusement, quand on a échangé sur le point, c'était l'honorable Bikoy Ndagara qui s'asseyait à votre place. Olivier était là, moi j'étais à la place où se trouvait l'honorable Célestin, ici il y avait quelqu'un d'autre. On a échangé sur les grandes motivations qui ont poussé justement à amender la constitution, surtout de la République du Burundi. Si vous voulez, je peux passer à Rouville. Quelle motivation? Il était convaincu. Bah, bien, bon. Il n'a jamais été. Il était convaincu. Bon, juste trois éléments ou quatre. De toutes les façons, il n'était pas. Premièrement, c'est que c'est sous la demande de la population burundaise, bien entendu, à travers le dialogue inter-burundais conduit par la CNDI. Je suis membre de que vous disiez oui ou non. C'est pas je fais partie. La majorité de la population a fait la requête et nous sommes dans la démocratie. Deuxièmement, il faut savoir que les responsables des partis politiques. Dans trois résolutions, d'autres de Agitega et d'autres à Bujumbura, d'autres sous Denir, ont demandé au gouvernement burundais de retoucher la constitution jusqu'à demander au gouvernement d'ouvrir au moins un compte pour les contributions. Mais les protestants sont aussi membres de la population. Si le savoir de Bujumbura n'était pas là, sachez que plus de 90% des partis politiques étaient là et c'est la démocratie. Ça, il faut le savoir. Et puis, il faut connaître que ce projet de constitution a gardé les principaux éléments de l'esprit de l'accord d'Arusha, revenant de la constitution elle-même, à ses articles 297, 98, 99 et 300. Elle est claire, elle est ouverte, elle a été votée par la population par le référendum du 28 février 2005, et c'est le parti Sawanya Frodo qui l'avait préparé. Le référendum a eu lieu et ils ont mis ces articles qui ouvrent, qui doivent décider sur justement le retouche de la constitution. C'est bien le chef de l'État en collaboration avec le gouvernement, ou bien l'Assemblée nationale, ou bien le Sénat, sous leur demande, avec bien sûr des quotas bien précis dans ces articles. Je me résume un peu pour vous dire que je pense que Léonce a pu avoir certains. C'était juste une petite réaction et on passe la parole à honorable Pierre Célestin. Moi, ce que j'ai dit, j'ai parlé d'abord de l'opportunité par rapport aux intérêts du peuple burundais et aux intérêts du Burundi. Ça, c'est la première chose. Il est en train de dire que la majorité des Burundais ont été... Ils l'ont demandé. Ouais. Combien? 26 000 sur 11 millions. Faites le calcul. 26 000. Faites un simple calcul. Vous entrez dans le référendum. Ce sont les représentants des autres. Écoute, c'est scientifique. Non. C'est 11 000 personnes au niveau communal. Et 28 000 au niveau provincial. C'est un échantillon représentatif. Mais la deuxième chose, moi j'ai écouté. C'est maintenant que tout le monde va participer au niveau du 17. Je suis. C'est là où tout le monde est. J'ai écouté dans les médias. Oui, oui. Il semblerait, il est là. Il semblerait que Amizero et Barundi à l'Assemblée nationale n'ont pas été associés. Même le NAB doit s'arrêter pour contribuer. Non. Sonores et visuels, les audiovisuels. Je l'ai écouté moi-même, lui-même. Il disait qu'il n'a pas été informé. Parmi les 15 membres qui ont retouché la constitution, il y avait ce représentant. La commission. Ce n'est pas notre porte-parole. Amizero était là. Est-ce que les ministres d'Amizero ont été sollicités pour aller expliquer? Non. Quand les parlementaires ne sont pas associés, quand les députés ne sont pas associés, quand les membres du gouvernement gouvernement ne sont pas associés. Comment voulez-vous qu'un simple citoyen soit associé, monsieur le porte-parole? Si lesquels? Vous avez boycotté toutes les réunions invitées. Vous avez déclaré que vous n'avez pas jamais répondre aux invitations des réunions du ministère de l'Information. Que voulez-vous? Les autres ont été là et ils ont contribué à votre place. Mais nous pensons que le débat n'est pas assez. Il faut que la parole soit partagée. Honorable Agathon Gouassa lui-même a dit à maintes reprises qu'il n'a jamais été associé. Bien évidemment. Alors moi je dis ce qu'il a dit, je ne me suis pas convaincu. Je garde ma position. Je suis contre ce référendum. Je suis ici, vous n'êtes pas notre. Et si je suis forcé d'y aller, je voterai non. Voilà. Honorable Pierre, c'est votre droit de recommander. Contre qui veut voter. Une petite réaction, c'est honorable Pierre Célestin Dikoumana qui a la parole. Je souhaitais d'abord que les esprits soient tranquillisés avant que je continue, parce que je vois que ça chauffe. Ça chauffe parce que c'est un sujet intéressant. Et je dois vous dire une chose, parce que vous avez parlé de cas isolés, je vais d'abord rectifier quelque chose avant de répondre à votre question. Quand vous parlez de cas isolés, peut-être vous n'êtes pas informé. C'est de votre droit de ne pas être informé. Si vous n'avez pas des informateurs. Ça vient de l'assistant du ministre de l'Intérieur. Oui, ne pas être informé, ce n'est pas un péché, parce qu'on peut ne pas être informé parce qu'on n'a pas d'informateur. On peut faire semblant de ne pas être informé alors qu'on est informé. Je dois vous dire qu'il ne s'agit pas de cas isolés. Il y a une campagne de diabolisation. Ah. Et je m'explique. Organisée par qui? Organisée par qui? Il ne faut pas m'interrompre. Parce qu'une campagne doit parce être que organisée. Pour entendre quelque chose, il faut d'abord écouter. Vous ne pouvez pas en même temps. Il faut m'écouter d'abord. Oui. Il y a une campagne, je le dis et je pèse bien mes mots comme je vous l'ai toujours dit, il y a une campagne de diabolisation de membres de notre coalition. Et je vous fais des exemples. Presque dans toutes les communes du pays, des réunions ont eu lieu et on a dit, on a ciblé les membres de notre coalition qu'ils sont des menaces. Et à partir de ces réunions-là, mais il n'y a plus de secret. Il y a inter-infiltration, il n'y a rien de secret au sein de FDD. Il n'y a pas de secret chez nous aussi. Il y a inter-infiltration, ça, c'est, il faut le savoir. À partir de ces réunions-là, il y a eu bien évidemment campagne aussi d'arrestation de nos membres qui étaient soupçonnés de voter, de pouvoir penser peut-être de voter non, ce qui est de leur droit. Et si je parle de campagne, je vous fais un exemple. Il n'y a pas longtemps, il n'y a pas 3 ou 4 jours, il y a eu full perquisition à Gitega sur une colline. Les policiers, quand ils toquaient à la porte vers 2 heures du matin, ils disaient à la population, allez sortez, sortez les armes que Gouassa vous a données, sortez les armes que l'honorable Damizero vous a distribuées ici. Mais au départ, il y avait avait été lancé sur la même colline. Mais est-ce que c'était nous qui les avions lancés? C'était les enquêtes, quand même. Est-ce que les enquêtes se font avec les fouilles et perquisitions pour intimider la population, leur dire voilà, c'est elle qui vous a distribué les armes, avant même qu'il y ait des investigations? Ça, c'est un exemple. Une réunion s'est tenue dans une commune ici à côté. Là, je quitte le centre. Je suis maintenant à l'ouest, ici à côté à Mutambu. Ce qu'on a dit, je ne vais pas répéter ça. Il y avait même des prélats, c'est triste, qui commencent même à convoquer les fidèles pour leur dire vous allez voter pour le oui, sinon on va vous incarcérer ou vous éliminer. Des histoires. Pareil. Et vous voulez que je saute encore à l'est? Continue. Que je monte au mais nord? Mais ce n'est pas vrai. Je vais répondre. Au nord, au sud, partout il y a ce genre de choses. Et comme je l'ai dit, il ne faut pas minimiser les choses et dire que c'est des cas isolés. Si vraiment il y a quelque chose qui est visible, qui est remarquable, et les gens qui sont incarcérés, arbitrairement arrêtés, incarcérés sans aucune raison pour de simples soupçons, et ça s'est passé dans toutes les provinces de la République. Et si vous voulez, je peux vous donner des cas. Si vous voulez des données, je vais vous fournir ça. Et vous allez dire qu'il s'agit des cas isolés. Je suis désolé. Malheureusement, les déclarations, le problème sérieux que nous avons ici au Burundi, les déclarations qui sont faites officiellement, elles sont bonnes, mais au niveau de la réalité sur le terrain, c'est autre chose. Si je vous dis qu'aujourd'hui, les gens qui venaient de tabasser le député se promenaient autour de nous, rôdaient autour de nous, alors qu'il y avait même des policiers, vous ne pouvez pas vous en rendre compte. Vous ne pouvez même pas penser dans quel pays vous êtes. Bon, vous n'êtes pas informé, c'est de votre droit, comme je l'ai dit. Dire que nous nous sommes fait inscrire, c'est bon. C'est de notre droit de participer. Parce que nous sommes des citoyens à part entière, même s'il y en a qui pensent que nous sommes des sous-citoyens. L'opportunité, pas du tout. La population a exprimé beaucoup de souhaits. Parce que beaucoup de souhaits. Le gouvernement d'organiser des campagnes d'arrestation. Non, j'ai donné des exemples concrets. Mais ce n'est pas vrai. J'ai donné des exemples concrets. Et vous allez dire que c'est non. Vous aurez la parole. Oui. famille. Je vous ai promis des données concrètes, si vous voulez bien. Alors, vous parlez de Léonce qui juge qu'il n'était pas opportun. Moi, je suis de son avis. Nous avons crié à maintes reprises. Est-ce que la priorité pour le pays, c'est le changement de la Constitution? Loin de là. Est-ce que vraiment l'ancienne ou la Constitution actuelle, est-ce qu'elle elle cause problème? Est-ce que c'est cette Constitution-là qui fait que nous ayons des problèmes au niveau des devises? Est-ce que c'est cette Constitution qui cause problème au niveau de la bonne gouvernance? Est-ce que c'est cette Constitution qui cause problème au niveau des respects des droits humains? Est-ce que c'est cette Constitution qui ordonne les jeunes du parti au pouvoir à battre les honorables députés? Est-ce que c'est cette Constitution qui amène la famine? Est-ce que c'est cette Constitution, qui est la source de tous les maux que nous sommes en train d'endurer aujourd'hui? Je crois que ce n'était pas opportun. Les gens se sont exprimés en bonne et due forme par rapport à la pauvreté, par rapport au taux de chômage, par rapport à tous ces problèmes sociaux. Par rapport aussi à la Constitution. Mais par rapport à la Constitution. Mais tout de même, vous allez y participer. Nous allons y participer parce que c'est de notre droit et nous allons participer aussi dans la campagne, même s'il y a, j'allais utiliser le mot campagne, mais j'ai vu que ça blesse notre confrère Naïra Aja. Je m'épargne du terme. Bon, mais pas la campagne de tuer les gens quand même. J'ai pas parlé de tuer les gens. J'ai parlé de diabolisation. Parce que même parmi ceux qui faisaient ce qu'on appelait explication, mais combien de fois on a cité le nom Guasa Agato? Est-ce que Guasa Agato, c'est le nom qu'il faut enseigner ou c'est le contenu de la Constitution? Donc cette campagne de diabolisation a eu lieu. Et bien sûr, si vous voulez que le pays quitte ce problème, cette crise, nous sommes dans une crise. Ne vous en faites pas, même s'il y en a qui négligent ça, qui dédaignent ça. C'est quand même que les gens reconnaissent qu'ils sont là. Je parle des administratifs, qu'ils sont là pour tout le monde. Il n'y a pas de citoyens, de sous-citoyens. Ce que nous sommes en train d'observer, c'est vraiment révélateur de quelque chose qui nous va. Par rapport à ce que vous dites, la population a exprimé l'opportunité de changer la Constitution, mais pourquoi est-ce qu'on a commencé par ça? Et même si vous parlez des dialogues, je m'en suis. Priorité aussi. Infligé contre les résultats de ces dialogues. Donc, quand vous parlez surtout de ces dialogues, franchement, ça m'énerve. J'ai dit, ça c'est la cinquième fois, je n'ai pas encore vu même le rapport des consultations nationales qui sont en train de brandir comme quoi ils sont à la base des changements de la Constitution. Et les gens qui s'exprimaient, ils nous l'avons dit, ils ont exprimé beaucoup de souhaits, beaucoup de besoins. Et on a seulement pris une chose parmi tant d'autres, parce que bien sûr, il y a des intérêts politiques qui sont visés. Mais évidemment, le problème n'est pas là. Si on vise des intérêts politiques, il faut qu'on les vise, bien sûr, à respecter autrui, à respecter les autres. Merci. Olivier, au niveau du parti Prona, est-ce que les élections de 2015 ne peuvent pas avoir un effet domino sur l'organisation de ce scrutin référendaire, vu ce qui s'est passé ces derniers temps? Oui, nous savons qu'au niveau du parti Prona, même au niveau national, il y a eu des problèmes en 2015. Le problème qu'il y a eu, c'est qu'il y a eu des partis politiques qui n'ont pas participé dans les élections. Mais tenant compte, aujourd'hui, je trouve et j'espère qu'avoir les partis qui se sont fait inscrits, je pense que les partis politiques vont participer dans les élections. Parce que ne pas voter, c'est vraiment voter ce que tu ne veux pas. Au niveau du parti Prona, la démarche est de participer et s'exprimer comme nous voulons. Alors, ce qui m'encourage, c'est que même à entendre le porte-parole d'Ami Zéro, début qui n'ont pas pu voter en 2015, je pense qu'aujourd'hui vont participer dans les élections. Ça, c'est vraiment très important dans la vie politique. C'est ça ce que le parti Prona souhaite. Alors, au niveau du gouvernement, bien sûr, quand il y a des élections au niveau au Burundi, il y a des esprits qui se chauffent. On commence à dire qu'il y a ce qui ne va pas. Alors, aujourd'hui, nous devons quand même tout faire pour que les partis politiques, comme nous l'avons demandé, tous ceux qui vont participer, éviter ces campagnes de diabolisation. Si tu veux enseigner, oui, aller enseigner, oui, et donner les raisons à la population qui vont t'écouter, mais aussi si tu veux enseigner, non, aller enseigner, non, sans toutefois avoir de problème. Est-ce qu'aucun membre du parti Prona n'est menacé par rapport à ce référendum? Au niveau du parti Prona, il n'y a qu'un membre qui est en train d'être menacé suite aux élections de référendum. Mais ce que nous pensons, je pense qu'effectivement, et nous le demandons sous souvent, la campagne, chaque fois, il y a la collision entre les membres, surtout les jeunes des partis politiques. Comme on le dit, il faut que chaque parti politique, qu'il soit le parti au pouvoir, qu'il soit à Miséria Barundi ou d'autres partis politiques, de savoir comment éduquer et avoir même comment conseiller leurs membres pour que vers les élections de référendum, pour qu'il n'y ait pas ce genre de comportement qui donne un climat malsain au sein de la population burundaise. Je pense qu'aujourd'hui, si on écoute, il n'y a pas de membres qui sont en train de se réfugier. En 2015, à la veille des élections de 2015, on a entendu la population burundaise qui était en train de se réfugier vers le Rwanda, en Tanzanie. Mais en attendant aujourd'hui... Vous ne craignez pas que ceux d'un miséria peuvent fuir le pays? C'est ça ce que nous voulons demander, d'assainir le climat pour qu'il n'y ait pas des gens qui vont fuir. Mais aussi, à mon entendement, je pense que le gouvernement, les partis politiques et tout autre partenaire politique, à cette étape, vont s'asseoir ensemble et trouver, bien sûr, des mécanismes qui vont aider pour que, bien sûr, il n'y ait pas ce genre de problème. Alors, des craintes dans la vie, c'est normal. Mais au niveau de l'opportunité, à entendre ce qu'ils sont en train de dire, est-ce qu'il est opporté, ce n'est pas le moment. On est à la veille des élections, on va voter. On a déjà même le texte a déjà passé dans le Conseil des ministres. On est à la période de sensibilisation. Bientôt, on est à la campagne. Est-ce que c'est vraiment le moment de discuter l'opportunité? Pas du tout. Je pense que si tu n'es pas à l'aise, il faut enseigner tes membres d'aller voter. Non. Ça, c'est ce que je conseille à nos chers collègues. L'émission, c'est Mosaïque. Nous sommes en train de débattre autour des préparatifs de la campagne pour le scrutin référendaire. Et nous sommes avec quatre invités. Terence Nahiraja, assistant du ministre de l'Intérieur et de la Formation patriotique et porte-parole à son ministère. Nous sommes également avec le député Pierre-Célestin Dikoumana, qui représente dans cette émission la coalition Amizeria Barundi. Également, nous sommes avec Léonce Ngendakumana, vice-président du parti Sarwanya Frodebu. Olivier Nkurunziza représente dans l'émission le parti Iprenant. Il est secrétaire général et porte-parole de ce parti. Terence Nahiraja, au niveau du ministère, on sent des craintes, par exemple, par rapport à la coalition Ami Zéro. Est-ce qu'il n'y aurait pas des mesures que vous avez déjà initiées pour tranquilliser tous ceux qui se croient plus menacé par rapport à ce processus référendaire? Permettez-moi de m'exprimer sur les graves accusations qui met sur le gouvernement, comme quoi il y a eu l'organisation d'une campagne d'abord de diabolisation d'Amizero Yabarundi. Mais il a parlé d'une campagne d'arrestation d'arrestation des membres d'Amizero Yabarundi. Non, mais j'ai écrit campagne de diabolisation, oui. Campagne d'arrestation des membres. Mais j'ai écrit quand vous parliez. Mais oui. Laissez-moi. Alors, je suis vraiment. Et ça, c'est faux, il y a faux. Écoutez, je suis responsable. Laissez-moi parler. Je vais d'abord m'exprimer par rapport à ces propos mensongers, je dirais. Qui met sa tête du gouvernement. Il dit que prouvez-le. C'est organisé, c'est ce qu'il a dit. Mais la preuve est qu'il y a la paix partout dans le pays. S'il y a des malfaiteurs qui sont attrapés, armés que vos membres seraient tous des malfaiteurs. Mais je pense non. Vous avez un gouverneur à Rutana, vous avez un gouverneur à Moiro, vous avez des députés un peu partout, même à Kamba, il y a un honorable et Renova. Honorable... Il y a un gouverneur, mais cela n'a pas empêché qu'un député soit tabassé là-bas. Non, je crois que la question. Il faut la question. C'est le ministre qui c'est lui qui a fait. Malheureusement, des institutions. Malheureusement, on n'a pas ce cas. De toute façon, je pense que le gouverneur a pris les mesures adéquates pour que le fautif soit sanctionné. Parce que la cardiologie. Est-ce qu'il a été sanctionné, l'administrateur qui a. Je ne sais pas ce que le cas ne m'est pas arrivé. C'est donc vous qui m'informez, mais moi, je ne savais pas le cas. De toutes les façons, je dis qu'il y a la paix et la sécurité dans le pays, l'administration fonctionne, la cadrilogie, les malfaiteurs, effectivement, quand ils sont sanctionnés, mais pour des états comme le cas que vous venez de parler, là-bas, il y a deux cas à Muyinga, des gens qui ont été emprisonnés, d'enseigner le nom avant longtemps. Cela a lié, c'est normal, je crois que la situation a été résolue, mais dire que partout dans le pays, il y a cette campagne d'emprisonner, d'arrêter, même de misérer à Barundi, je pense que même le cachot, à moins que tous les qui vous ont voté, si on les rassemblait tous, passe dans les cachots. Je pense qu'on n'aurait pas de place où mettre ces prisons. Ça, c'est faux quand même. Parce c'est une exagération de langage. Parce qu'ils sont nombreux. C'était pour vous dire que... J'ai pas exagéré. Il a exagéré. Au sud, au nord, au centre, à l'ouest. Je dis que ça, c'est honorable faux. Pierre, c'est juste permettez. À la connaissance de la population qui nous écoute, que ce qu'il a déclaré, que c'est un peu partout, tout, c'est faux, sauf les cas isolés. Et puis alors, vous dites que voilà, la campagne approche. Y aurait-il déjà des mesures prises pour tranquilliser tout le monde? Mais les mesures sont là. Le processus se déroule à bon train. Les mesures sont là. Il y a d'abord la loi qui est là, des libertés publiques, où il doit y avoir le respect mutuel, où toute personne qui veut faire sa campagne doit présenter son programme, doit préciser les stades auxquels il va travailler, et il doit être respecté dans ce qu'il a demandé. Il y a le cadre légal qui va protéger. Il y a d'abord le code électoral qui est là. Il y a la CENI qui va faire des arrêtés, qui vont déterminer comment faire. Il y a les politiciens qui vont informer. Si vous voulez faire dans telle province ou telle autre, vous devez informer l'administration, votre programme. Alors, on met ensemble les programmes et on essaie de les partager parce que c'est beaucoup de partis politiques. Mais chacun aura le droit de rencontrer ses membres et d'expliquer ses aspirations par rapport au vote du 17 mai 2017. Je pense que tout cela est rassemblé et il doit y avoir de l'ordre. Et toute personne qui tentera de saboter le processus, qu'il soit, il devra être sanctionné conformément au cadre légal dont je vous parle. Mais aujourd'hui, il y a les membres de la coalition Misero qui sont soupçonnés d'enseigner le nom. Le jour de la campagne ou la période de la campagne, les personnes qui vont enseigner le non et le oui seront traitées de la même façon. Mais là, il y aura déjà un programme de campagne électorale. L'honorable Héros aura le droit de porter le t-shirt de son wagner debout et de faire une descente pour aller expliquer à ses membres comment ils vont voter et ce qu'ils doivent faire. L'honorable Célesté. C'est clair, ils vont voter non. Et l'honorable Célesté. L'honorable Célara, lui aussi, c'est peut-être le non, je ne sais pas. C'est son droit. Il aura le droit d'aller organiser des rencontres avec ses membres parce qu'il s'est fait exclure à la CENI. Il y aura un programme pour faire ses explications. C'est normal. Le parti au pouvoir, le parti Savannah Frodebout, les autres partis politiques, le CNDFD et les autres, chacun aura droit. Et cela, il y aura un décret qui va préciser que c'est du 1er au 14. Mais on a fait ça, on les connaît pourquoi. Si on a déjà déterminé la date du référendum, il est facile de trouver justement la date du début de la campagne parce que le code électoral est clair. C'est 14 jours. Si vous prenez 17 jours, moins 1, c'est 16. Moins 2 jours qu'on doit réserver pour s'installer au niveau des bureaux de vote, ça fait 14. C'est-à-dire que dans le décret, il y aura du 1er au 14, qu'à partir de cette date, on aura droit pour quelqu'un bien sûr qui s'est fait inscrire à la CENI, il y aura droit de faire sa campagne, mais il faudra qu'il informe au niveau de l'administration parce qu'on fait des rencontres dans les stades. Il faudra que l'administration connaisse qu'il y aura des rencontres quand même. Ça, c'est très important pour que aussi la sécurité protège. C'est-à-dire, c'est la formule générale. Et il faut les rencontres, ils expliquent à les membres et à 18h, il faudra avoir les clôtures et tout cela. Ça sera bien clair et défini. Honorable Léon Singendakoumana, vous demandez toujours de l'opportunité. Le ministère rassure par rapport au déroulement de la campagne une fois la date donnée. Qu'est-ce que vous demandez au gouvernement et à la CENI par rapport à la sécurité, à cette tranquillité réclamée afin que vous meniez votre campagne en toute tranquillité? Ça serait trop demandé. Nous allons nous présenter tout simplement. Alors, sur l'opportunité, il ne faut pas prendre cette question à la légère, monsieur le secrétaire général de l'IPRONA. Pour amender une constitution, la première étape, c'est le débat sur l'opportunité. Au niveau de l'IPRONA, on ne veut pas revenir en arrière. Non, attendez. C'est sa position. Il y a des partis politiques qui soutiennent ce référendum et ces amendements aujourd'hui, mais qui, après le vote, vont pleurer. En tout cas, ce n'est pas l'IPRONA. Mais il y en a qui vont pleurer après, qui vont regretter. Je pense non. Ils vont parce regretter. Une fois que l'on peut être dedans. Oui, nous sommes en politique. Oui. On se rencontrera pour l'évaluation. Honorable. Oh, okay. Votre affirmation, ne l'acceptez pas. Il y avait un des qui vont pleurer. Non, il y avait un 2005. Ce qui disait et qui ont dit permettre la constitution. Permettez, n'est-ce pas? D'abord, le débat sur l'opportunité. Il s'adressait à l'article 299 de la constitution interdit actuellement. Non, ça ne dit pas actuellement. Actuellement. Au moment où on veut amender la constitution. Il faudra éviter de retoucher ce qui va toucher. Ça interdit formellement. Monsieur Terrence Pio, c'est honorable. Cet article ne permet pas aujourd'hui de procéder à l'amendement de la Constitution. Ça, c'est très clair. Deux, moi, j'ai comparé les deux, la Constitution actuelle. Et le projet de loi. Mais je ne suis pas sûr que c'est le véritable projet que j'ai. C'est un projet que j'ai trouvé sur le WhatsApp. On n'a jamais donné cette Constitution. On la verra certainement. Ce projet, on la verra probablement lors de la campagne. Je ne sais pas pourquoi c'est resté caché. Ce que j'ai vu sur le WhatsApp, si ça doit être ça, et les partis qui ne sont pas proches du parti CNDD, non pas ils sont, comprenez. Alors, si le projet que nous avons eu sur le WhatsApp, c'est celui-là, ce projet de constitution met un terme aujourd'hui à la démocratie multipartite. Comment voulez-vous qu'il offre debout? qui est en partie en faveur pour la démocratie soutienne, qui est quelque chose qui réinstaure la dictature. Ce projet... Ce n'est pas vrai. Mais bien sûr. Mais en termes au dialogue inter-Burundi qui était en cours pour résoudre cette crise. Donc ça va aggraver la crise. Comment voulez-vous que le Frodebou soutienne ça? Je veux dire, pourquoi est-ce que le Frodebou ne voit pas cette opportunité? Parce qu'il a dit, le peuple burundais est confronté aujourd'hui à une pauvreté, à une misère, à un chômage extrême. Mais ce projet de constitution, c'est pour garantir quelques postes à certains partis. Non, ce n'est pas ça, honorable. Ou à certains individus. Non, moi, je l'ai vu. À certains c'est quel article qui dit à cet individu? Il n'y en a pas, honorable. C'est maintenant un projet de constitution qui met fin à un système politique inclusif pour installer l'exclusion multiforme. Avant, on voyait des exemples. Avec les partis politiques, avec les coalitions, il y a beaucoup d'articles qui consacrent l'exclusion. Un système politique qui consacre l'impunité. J'ai vu qu'un membre du gouvernement ou du parti CNDD-FDD, un membre d'un parti politique au pouvoir, hein, ou proche du pouvoir, qui commettra des crimes ne sera pas indigné. Bon, puisque les autres aujourd'hui sont indignés, ça se trouve dedans. Ça se trouve dedans. Ça, c'est fou. À la fin, qu'est-ce que vous demandez? Tout de même, si vous voulez enseigner le nom, il vous faut de la sécurité. Il a déjà parlé du climat. Moi je ne parle pas de la sécurité des militants. Le Frodebou est actuellement menacé. Et le pouvoir menacé par se trouve derrière. Honorable, ça c'est faux. Vous avez appris la fois passée qu'il y a un groupe de gens manipulés par, bon, je ne dirais pas vous-même, mais par vos proches, qui a failli faire un coup d'état, c'est du Frodebou. Il n'y a pas l'onde. Où ça? Il faut voir comment. Mais ça, on ne connaît pas. Le jeune ça a été lui ici. Ça a été dit sur cette radio. Ça a été lui ici. Il y avait des gens qui ont déclaré qu'ils mettent en place un système. Ils sont manipulés par le système. Mais on ne sait pas. J'ai mené des enquêtes. Mais même aujourd'hui, je suis en train de mener des enquêtes. Alors, quand le parti. Mais ça, c'est une information nouvelle pour nous. Comment voulez-vous qu'on soit allé? Je vous comprends. Je vous ai dit que vous n'êtes pas informé. Demandez à qui? En définitive, à qui? À ce qui nous menace. Demandez à ce qui nous menace. Il peut y renoncer. Il dit que le parti est menacé. Nous sommes contre. Nous allons y aller. Et nous allons voter non. Olivier, nous sommes vers la fin de cette émission. En tout cas, qu'est-ce que vous demandez pour que vous puissiez battre campagne en toute tranquillité? Et nous demandons au gouvernement de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour que tous les partis politiques, les indépendants et les coalitions des indépendants qui veulent participer à la campagne, de travailler d'une façon tranquille. C'est-à-dire le gouvernement doit essayer de demander à l'administration à la base de facilité. Parce que chaque fois, au niveau du ministère, même au niveau du gouvernement, on peut donner une injonction et ça peut même ne pas arriver à la base. Il y a des administratifs de la base qui peuvent même s'imposer aux mesures. C'est là où nous demandons, vous voyez que la campagne s'effectuera dans les différentes communes, différentes collines, pour que ces responsables collinaires comprennent très bien que ceux qui vont enseigner, oui ou non, ont le même droit à la base. Alors, c'est ce que le parti Iprona demande, mais aussi nous demandons aux responsables des partis politiques de ne pas chauffer les esprits dès le début, de voir que la campagne, mais aller voter, c'est l'action, mais aussi c'est le droit du peuple burundais. Et ça ne prend que 30 minutes. C'est aller voter et puis tu changes les choses dans les urnes. Mais pour les changer, il faut qu'il y ait la paix. Et nous demandons alors qu'il y ait la paix. Nous avons entendu dans les différentes réunions où le gouvernement donnait des craintes qu'il peut y avoir des infiltrations de personnes qui viennent d'ailleurs, qui viennent du côté du Rwanda. Il faut alors voir comment tranquilliser sur toutes les frontières pour qu'il n'y ait pas ce genre de bavure lors des campagnes électorales. Mais aussi nous, les responsables des partis politiques, nous devons prendre des mesures d'enseigner nos membres le comportement qu'ils vont adopter pendant la campagne électorale. Mais ce sera un comportement pacifique dans ce cas. Le parti Iprona n'a jamais causé de problèmes lors de toutes les campagnes. Même depuis 1961, on n'a jamais quitté les élections. On restera toujours dans les élections. Qui a causé? Quel parti a causé? Voilà, au niveau de l'Iprona, on attire l'attention à l'administration. Et c'est au niveau du parti Sarwanya Frodebou, on ne demande rien parce que le problème vient de l'administration. Au niveau d'Amizero, qu'est-ce que vous demandez pour que la campagne référendaire puisse être menée pacifiquement? Il y a beaucoup de choses à demander, mais justement la question qui me revient, à qui demander? C'est ça, c'est ça la problématique. Sinon, on a besoin qu'il y ait quand même le respect de tout un chacun. On a besoin qu'il y ait assainissement dans le climat. climat politique. Il faut un climat politique serein pour que ce genre d'activité politique, le référendum, c'est une activité politique, puisse se passer sans casse et sans entraves. Et je demanderai aussi qu'on lutte contre l'impunité, malheureusement, qui est consacrée. Bon, voilà, je suis un peu confus par rapport aux demandes, parce qu'il y a les discours qui sont vraiment bien, il y a des déclarations qui sont vraiment claires et qui sont rassurantes, mais il y a ce que nous vivons, il y a la réalité sur terrain qui n'est pas rassurante. Et c'est ça le problème. Est-ce que vous vous engagez au niveau d'Ami Zéro de manifester un comportement responsable à l'approche de Nous l'avons toujours manifesté et nous manifestons toujours ce comportement. Il y a toujours des provocations, mais nous restons sereins et nous n'abandonnons pas. Il y a des intimidations, mais nous sommes toujours là. Et je dois vous dire, ceux qui pensent que nous allons lâcher, que nous allons abandonner, ils se trompent fort et je dois le dire ici. Et la Constitution qui prône... À cet engagement, vous ne risquez pas d'avoir des excès de zèle au niveau de... Non, pas d'excès de zèle. Nous sommes pacifistes, nous sommes surtout provoqués et même intimidés, battus, emprisonnés, mais malgré tout ça, nous restons pacifistes et nous faisons toujours appel à nos membres, à nos sympathisants de rester sereins, de respecter les autres. Ce qui est malheureusement le contraire de la part de nos adversaires politiques. Et quand vous dites qu'il y a beaucoup de partis qui sont enregistrés ici, on a dit, il faut savoir qu'il y a deux types de partis dans ce pays. Il y a des partis qui sont proches du système en place, le système CNDD-FDD. Ils ne peuvent s'inquiéter de rien. Et d'autres qui sont de l'opposition, qui sont malheureusement considérés comme des ennemis de la nation. Il y a eu des proclamations, des déclarations qui n'ont pas été démenties. Si un administratif déclare quelque chose comme un administrateur d'une commune et que son gouverneur n'en dise rien, qui ne dit mot qu'on sent. Mais moi, j'ai déjà réagi sur ces propos. Si j'ai dit qu'il y a eu campagne de diabolisation, combien de fois on a traîné le nom de Guassa Gatto dans des histoires, on a dit, il veut rouler le pays dans un gouffre, etc., etc., à la place d'expliquer la nouvelle constitution. Et c'est vraiment triste. Olivier a dit qu'il n'y a pas des réfugiés, tant mieux, mais il y en a à l'étranger. Et j'ai aussi la crainte, j'ai peur qu'il peut y avoir d'autres, parce que, je vous le rappelle, il y a un gouverneur et même d'autres administrateurs, parce que j'ai vu qu'Indaïra, je n'ai pas informé, hors micro, je vais lui donner des informations sur tout le territoire national, comme ça il sera informé. Nous avons les rapports. Il aura cette chance. Chaque jour. Il aura cette chance. Nous avons le rapport hebdomadaire de la sécurité et les incidents qui se sont produits. À ces gens à qui on a donné l'appel de déguerpir, de quitter leur province, s'ils ne votent pas non, et s'ils ne peuvent pas voter non, où est-ce qu'ils vont aller? On les invite de partir. Je crains qu'on crée des histoires. Par rapport à ce processus, franchement, c'est un processus qui a été fauché dès le départ. Ici, on a essayé défendre. Mais si on chasse les amis. Quand je parlais de ce processus qui a été fauché... Le parti est menacé, ça veut dire que les membres sont... On m'a pris même toutes mes minutes. Quand je dis que le processus a été fauché de départ, ici, vous êtes en train de donner des explications, des articles, etc., etc. Mais quand on devrait consulter le bureau du Parlement, mais on ne l'a pas fait. De toute façon, son Excellence Guassa Agathon, il est le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Il est membre du bureau. Il n'a pas été associé. Si l'activité a eu lieu, il n'a pas été associé. Je crains que le résultat ne sera pas positif par rapport à notre position, parce que je vous ai vu en train de me regarder si j'ai une position par rapport à ça. Je dois vous dire une chose. C'est une constitution qui a été taillée sur mesure. C'est une constitution dont certains articles prônent l'exclusion. Et ce que je vous dis, cette constitution-là sera bien sûr sanctionnée par un vote qu'elle mérite. Parce que le peuple voit clair, malgré les intimidations. Le peuple voit clair, malgré les intimidations. Et le vote, le peuple soit va que voter. Je sais que c'est le nom. Et puis, donner la parole aux autres. Si c'est ce que vous souhaitez, vous avez été clair que c'est le nom. Au lieu de passer à gauche, à droite. Je vous dis que... La constitution sera sanctionnée. Il attend peut-être que le premier mai, comme vous l'avez dit. Sera sanctionnée, bien sûr. Dire que j'enseignerai ceci. Le vote. Et que tu n'enseignes pas aujourd'hui. Le vote. Oui. Moi, c'est parce que moi, je suis légaliste. Je respecte les échéances. Ouais. Je respecte les échéances. La période de la campagne n'est pas encore arrivée. Et c'est la raison pour laquelle j'essaie quand même d'être réaliste. Le moment venu, vous allez vous exprimer. Mais tout de même, vous respectez. Si Naïra, je le permets. Respect de vos membres. Si je parle de Naïra, il comprend ce dont je parle. Oui. Si le système le permet, nous allons le faire. Mais si, bien sûr, ils ne le permettent pas, nous allons le faire de notre manière. Nous allons le faire de notre manière. Et nous l'avons déjà fait. Et même sur le plateau, le peuple nous écoute. De toute façon, le peuple ne va pas remercier les gens, les systèmes qui les traînent dans une situation d'être sous-citoyen à la place d'être citoyen. À la fin de l'émission, Terrence Nahira Aja, une partie de la population n'est pas tranquille. Qu'est-ce que vous allez faire en termes d'engagement pour tranquilliser tout le monde? Avant toutes choses, permettez-moi, de répéter l'article 209, comment elle est dit. L'honorable a dit que vous répondez oui. Allez, bien sûr. Il dit qu'aujourd'hui, en quelque sorte, il dit qu'aujourd'hui, il ne permet pas. C'est pas aujourd'hui. Tout à fait. Aucune procédure de révision ne peut être retenue si elle porte atteinte à l'international. Voilà. Elle ne porte pas à l'international. Tout à fait. Voilà. En aucun cas, les quotas, il n'y a pas. Laissez-moi parler, je vous ai laissé. Les quotas étaient respectés. C'est pas ça. Ce n'est pas l'exécution. C'est l'exécution. Attends. C'est le partage du pouvoir. Non, non. Le problème a été que certaines ethnies se sont appropriées du pouvoir. Et voilà. Non, permettez pas l'exclusion. De toutes les façons. De toutes les façons, ceux qui sont contre auront la possibilité d'enseigner, non. Par rapport à ce projet. La cohésion sociale, ça c'est très important. Et puis à la laïcité de l'État, ça a toujours été respecté. La réconciliation, tout à fait normal, parce que et puis la démocratie et l'intégrité territoriale de la République Burundi. J'ai même fait une analyse comparative. Il a même expliqué à la droite des citoyens. J'ai même eu l'occasion d'aller échanger avec les responsables des partis politiques jusqu'à conclure. C'est moi qui vous le dis. Et puis quand on veut parler qui a l'impunité, ça c'est trop quand même. On a plutôt renforcé la justice burundaise. Le problème est que les Burundais, ils veulent que c'est l'étranger qui est pris fort que le Burundais pour juger. Ah, vous commencez à amener les étrangers. Vous avez eu l'occasion. C'est l'article dont il parle. C'est deux articles. C'est ce qu'il est en train de dire, même si ce n'a pas été précis. C'est une démonstration d'une expérience. C'est le renforcement du pouvoir judiciaire burundais. Même un étranger qui commettra des crimes, qui viendra ici, il sera protégé. Nous prenons. Il sera protégé. Nous, par rapport à ma question, c'est pourquoi. Tu as l'émission. Si les maçons qu'ils avaient dit, il fallait me laisser dire. On n'est pas laissé l'opinion être intoxiqué comme ça. Voilà, maintenant. Qui l'a intoxiqué? Mais c'est vous. Vous avez demandé à quoi vous vous engagez par rapport à ceux qui restent pessimistes par rapport à la tranquillité. Je propose aussi aux responsables politiques, n'est-ce pas? Aux partis politiques. Ce que je leur demande au cours de cette campagne, c'est le respect mutuel. Ils l'ont déjà dit, c'est très important. C'est le respect du cadre légal. Commencez par la mise. Le cadre légal. C'est que je viens d'entendre. Tout le monde est égal devant la loi. C'est que je viens d'entendre. Tout le monde est égal devant la loi. Député. C'est la constitution. En député. Laissez-moi parler. La constitution doit pratique. Écoute. Le cadre légal, il y a la constitution, il y a le code électoral, il y a les décrets, le premier est déjà là, qui ont été signés par le chef de l'État, il y a le second qui doit sortir avant fin avril justement pour préciser la campagne, il y a les arrêtés de la CENI qui vont sortir pour réglementer, n'est-ce pas? Il y a également la loi sur les libertés publiques, un cadre bien défini. Quand vous avez des rencontres, il y a la manière dont ils sont définis, comment on le demande, comment on informe l'administration, combien de jours avant ou après, c'est écrit dans la loi qui a passé à l'Assemblée nationale, c'est juste pour rappeler qu'il y a un cadre légal qui est là et qui devra être respecté. À vous les journalistes, je vous demanderai de ne pas être penchant, de communiquer, quel que soit le parti politique ou un indépendant, communiquer la réalité comme il faut, sans être penchant à gauche, à droite, à ceci ou à celui-là. Ça, c'est très important. À la population, à la cadrologie, c'est-à-dire l'administration, la police, la population et la justice. On ne met jamais la justice. Travailler. Ça, c'est une erreur que vous travaillez à citer. La justice se trouve, cette indépendance se trouve quelque part. Même si elle est indépendante, vous savez que. Non, il y a une certaine rencontre quelque part. Pourquoi? Si on trappe un malfaiteur, il y a les OPJ, il y a les dossiers qui quittent la police et qui vont dans la justice. Une fois de l'équipe, il n'y a pas, quand même, d'une certaine. Ça ne fait pas partie de la trilogie, de la quadrille. Je vous montre la procédure. Vous avez toujours demandé ça autant. La autant qu'elle reste indépendante. Le code pénal est quand même clair, c'est écrit. La justice doit rester indépendante. Il y a une certaine manière de collaborer. Parce que la police doit donner les dossiers à la justice. Le président d'un parti politique dans une commune fait intimer l'ordre au procureur de ne pas libérer quelqu'un à qui il n'en a pas le droit. À qui le tribunal. Il n'en a pas le droit, mon frère. Il n'en a pas le droit. On ne sait plus entre la cour et le parquet. Laissez-moi donner les conseils et les engagements. C'est triste. Moi, je vous dis que le procureur est indépendant, il a ses droits même d'emprisonner, ça c'est normal. Mais ce que je vous disais, c'était pour montrer dans la cardiologie, pour montrer l'existence de cette collaboration. Je demande à la cardiologie et surtout à la population la d'être vigilant pour que le fonctionnement se passe bien. À l'administration, nous nous engageons à respecter la loi et à protéger tout le monde, et cela conformément à la loi. Je vous remercie. Y compris les membres de la coalition. Mais tous les Burundais sont égaux devant la loi. Merci. Voilà, c'est la fin de l'émission Mosaïque. Et Mosaïque d'aujourd'hui, nous discutions autour des préparatifs du référendum à l'approche de la campagne. Dans cette émission, nous avions 4 invités. Nous remercions Terence Naïra Aja, porte-parole du ministère de l'Intérieur et en même temps assistant du ministre. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci à nos chers auditeurs. Je vous remercie de m'avoir invité, même à la prochaine. Et nous répondrons au rendez-vous. Nous remercions également le député Pierre-Célestin Dikomana qui représentait dans cette émission la coalition Amizero ya Barundi. Merci d'avoir été des nôtres dans l'émission Mosaïque. Je vous remercie de m'avoir invité. Je remercie à tous nos auditeurs qu'ils restent vaillants et courageux malgré les intimidations. Merci. Honorable Léonce Nguyen-Dakoumana, le vice-président du parti Sawanya Frodebou, était également des nôtres dans l'émission Mosaïque. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et merci aussi de m'avoir donné cette opportunité pour exprimer votre position, l'opportunité de changer la constitution. Et votre position lors du référendum. C'est une des meilleures constitutions du monde. Je m'en arrête là. Par quelle analyse avez-vous fait? Olivier Nkurunziza, secrétaire général et porte-parole du parti IPRONA, merci d'avoir répondu à notre invitation dans l'émission Mosaïque. C'est moi qui vous remercie et je demande à tous les Burundais et Badassigan en particulier de rester serein dans cette période de campagne électorale qui va. Oui. La position du parti IPRONA sera connue le 21 avril, la semaine prochaine. Je remercie l'équipe technique dirigée par Aimé Toussaint Mitebutsi. Jérôme Nyonzima a assuré la réalisation. Au micro, vous étiez avec moi, Pacifique Chubahiro. Bonne suite des programmes sur la radio Isanganiro. Mosaïque.